Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin, chapitre 9, à partir du verset 15. Notre bon Père du ciel, merci de la réforme que Jésus a fait quand il est venu. Il a accompli la loi, tout ce que la loi préfigurait, tout ce que la loi imageait. Lui, il l'a fait dans la vérité. Il l'a fait dans le véritable tabernacle. Il a purifié nos cœurs et nos pensées. Il a purifié nos consciences de tout péché, comme tu nous l'as dit hier, afin qu'on puisse te servir pour l'éternité. Aide-nous à comprendre la raison d'être de cela. Pourquoi devait-il répandre son sang? Pourquoi devait-il mourir? Afin que la nouvelle alliance soit inaugurée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de résumer quelques minutes. Nous avons vu que le nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, inaugurait une nouvelle alliance, la nouvelle alliance promise sous le prophète Jérémie. Et cette nouvelle alliance-là est supérieure, est plus grande, est plus excellente que l'ancienne alliance. On a vu ensemble que l'ancienne alliance avait été préfigurée d'être rejetée, d'être abolie, d'avoir une fin, et qu'elle serait remplacée par la nouvelle alliance. On a vu ensemble que la nouvelle alliance était accompli par Jésus-Christ, qui, lui, avait entré dans les lieux célestes une fois pour toutes, non pas comme les sacrificateurs qui rentraient chaque année, mais lui est rentré une fois pour toutes avec un sacrifice très spécial qui était son propre sang et a fait un rachat éternel ou a amené une rédemption éternelle. Quand nous, on parle de la mort de Jésus-Christ, on parle souvent de le fait que Jésus-Christ est mort, donc je devais mourir pour mes péchés, donc Jésus-Christ est mort pour mes péchés, et il a pris ma place, donc j'ai pas besoin de mourir pour mes péchés, et je peux être dans la présence de Dieu pour toujours. Et là, quand on parle de nouvelle alliance, pour nous autres, c'est un peu difficile à comprendre, alliance, nouvelle alliance, pourquoi le sang d'une nouvelle alliance? Et on va essayer de comprendre ça un petit peu, de me démélanger ça ce matin. Que non pas seulement qu'il a fait, il a payé, il a pris ma place pour expier mes péchés, mais il a fait aussi une alliance. Et l'alliance, c'est ce qui rend éternel le sacrifice qui a été fait. L'alliance, c'est l'engagement de Dieu à respecter, je peux dire ainsi, le sacrifice de Jésus-Christ d'une façon permanente et éternelle. L'alliance rendait irréversible ce qui avait été fait, l'engagement ou les promesses. On va lire ensemble du verset 15 jusqu'au verset 22. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On essaie de comprendre cela. C'est important, c'est très important ici. Puis, même si le texte n'est pas tout à fait facile à comprendre, je vais le rendre un petit peu plus difficile en changeant des termes. On va enlever le mot testament de là et testateur et on va mettre alliance ou celui qui fait l'alliance. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne suis pas un professionnel des langues, de la langue grecque. Mais ici, dans le verset 16, le mot testament qui est là, dans l'original, c'est le même mot que dans le verset 15, quand on parle d'une nouvelle alliance. Et de toutes les places de l'Épître aux Hébreux, quand on parle d'alliance, c'est toujours le même mot dans le grec que le verset 16 et le verset 17. Pourquoi ils ont changé? Je suis pas sûr. Ceux qui s'intéressent à cela, vous allez lire des livres qui parlent de cela. Mais ce que je vous dis aussi ici ce matin, il y en a d'autres qui sont des professionnels comme Don Carson qui disent cela aussi, qui ont enlevé le mot testateur ou testament pour le changer. Et vous allez voir que en enlevant ce mot-là et en mettant le mot alliance, ça donne un sens plus clair à ce que l'auteur veut dire. Pour nous, un testament, c'est quelqu'un qui écrit un papier pour ses dernières volontés et quand il meurt, ben, ses dernières volontés vont être exécutées. Mais une alliance, c'est pas ça. Une alliance, c'est un engagement qui est prise par deux parties et ils s'engagent à faire des choses et ils doivent le faire tout de suite à partir du moment que l'alliance est inaugurée. Ils n'attendent pas d'être morts pour mettre en pratique l'alliance. Donc, on va changer le mot alliance, le mot testateur ou testament par alliance. OK? Au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le mot cela, c'est ce que l'ancienne alliance qu'on avait vu dans le dernier 14 versets, l'ancienne alliance ne pouvait pas rendre parfait, ne pouvait pas rendre innocent, ne pouvait pas nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu et le servir. L'ancienne alliance nous démontrait que le chemin qui menait au temple, à la présence de Dieu dans le lieu très saint était fermé. À cause de cela, lui était Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, là je vais sauter puis je m'en vais, hein, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, il est devenu médiateur d'une nouvelle alliance. Pour que ceux qui ont été appelés, pas pour tout le monde, mais ceux qui ont été appelés de Dieu reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, Jésus fait une alliance avec Dieu pour que les appelés, pour que les élus, pour que les choisis reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, il y a un engagement qui est pris entre Jésus-Christ et Dieu, si je peux dire ça comme cela, pour que les promesses de Dieu trouvent leur amen, comme dit dans 2 Corinthiens. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus-Christ, dans l'alliance qui a été faite. Pourquoi fait-il une nouvelle alliance? L'ancienne alliance n'avait pas pu emmener les gens à hériter des promesses de Dieu, de l'héritage que Dieu avait promis, parce qu'ils ne l'ont pas respecté, lui va faire une nouvelle alliance, et ça va rendre valable, valide, perpétuel, vrai, continuel, éternel. Ils vont pouvoir hériter certainement, sans équivoque, à 100%, l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu a fait une promesse, Jésus-Christ va répandre son sang afin que ce soit un engagement perpétuel et rien ne va pouvoir changer ça. OK? Donc l'alliance, c'est pas seulement qu'il verse son sang pour prendre ma place pour que j'aille au ciel, il y a un engagement de deux parties pour rendre officiel et perpétuel et éternel l'engagement, la décision qui a été prise. Dans deux parties. Christ représente Dieu et l'homme. Dieu et l'homme ici, les deux côtés. Jésus prend une alliance entre Dieu et lui, mais lui représente Dieu et l'homme, parce qu'il est aussi homme. Ça, c'est la raison d'être de la nouvelle alliance. Rendre perpétuel, rendre sans équivoque, il n'y a pas aucun doute que ça va s'accomplir. Dans l'ancienne alliance, il y avait eu des promesses de la part de Dieu, mais vu que le peuple n'a pas fait ce qui avait été fait, Dieu avait été fait, mais ça ne s'est jamais réalisé. Dieu ne s'est pas soucié d'eux. Dans la nouvelle alliance, entre Dieu et les hommes, symbolisée parce que Jésus-Christ est là-dedans, qui nous représente, Dieu dit, je vais faire une nouvelle alliance, et ce qui a été promis, ça va être certain que ça va arriver, parce que la nouvelle alliance est différente. Et là, il dit à la fin du verset 15, au milieu, la mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Dans la première alliance, la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises. On l'a vu, pour faire l'expiation des péchés dans l'ancienne alliance, la mort était intervenue. On avait sacrifié. On va le voir un peu plus loin, à partir du verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout, lui, il va prendre des animaux, il va répandre le sang. Donc la mort est intervenue pour la première alliance, soit inaugurée. Donc, c'est pas surprenant que la mort va venir aussi pour inaugurer la deuxième alliance ou la nouvelle alliance. Et là, il va dire au verset 16 et 17, et c'est important qu'on comprenne bien ça. Car, pourquoi la mort intervient-elle, doit arriver? Car là où il y a une alliance, il est nécessaire, il est obligatoire que la mort du testateur, la mort de celui qui signe l'alliance, soit constatée. Une alliance, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, qu'il n'a aucune force tant que le signataire de l'alliance vit. Comprenez bien ceci. Dans l'ancienne alliance, on sacrifiait des animaux pour inaugurer, pour rendre valable. Les animaux représentaient ceux qui faisaient l'alliance. Et tant que les animaux n'étaient pas morts, l'alliance n'était pas valide ou valable. Donc, on prenait des animaux, on les faisait mourir, on prenait le sang, et avec le sang, écoute qu'il était mort, écoute que les animaux étaient morts, l'alliance était valable. Et là, ça voulait dire, parce que le sang représentait, ou les animaux morts représentaient les personnes. Que je meurs si je ne respecte pas l'alliance que je suis en train de prendre ici. Donc, en donnant la mort aux animaux, c'est comme si on se donnait la mort à soi-même, et là, l'alliance devenait valide. Vous me suivez? On faisait mourir des animaux à notre place, puis on disait, par ce symbole-là de mort des animaux, on rendait valide l'alliance. Et si on ne faisait pas l'engagement qu'on venait de prendre, on méritait la mort comme ces animaux-là. Mais tant que les animaux n'étaient pas sacrifiés et que le sang n'était pas répandu, l'alliance n'était pas valide. Vous comprenez? Une alliance au verset 17, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Tant que les animaux ne sont pas morts et que le sang n'est pas répandu, l'alliance n'est jamais valide, puisqu'il n'a aucune force tant que le signataire de l'alliance vit. Vie, il doit mourir symboliquement à travers l'animal qui est là. Je suis prêt à mourir si je ne respecte pas mon alliance. Pour qu'une alliance soit inaugurée soit valide, soit valable dans la Sainte Alliance, il fallait que les animaux meurent, il fallait que le sang soit répandu. De la même façon, Jésus devait mourir pour rendre l'alliance valable. L'alliance, pour qu'elle soit inaugurée entre Dieu et les hommes, la nouvelle alliance, il fallait aussi que le sang soit répandu. Et le sang n'avait pas été répandu symboliquement, mais il a été répandu véritablement parce que Jésus est mort pour inaugurer la nouvelle alliance. Et il fallait que ce soit ainsi pour que les appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc Jésus, en mourant, ne fait pas juste porter mes péchés, mais il signe une alliance et il meurt, il répand son sang pour que l'alliance soit valable. Et si je ne respecte pas l'alliance que je prends, que je meurs comme dans l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance devait être signée de sang aussi. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que vous comprenez bien ça. Un test, une alliance, pour qu'elle soit valide dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on faisait mourir les animaux symboliquement représentant les gens qui faisaient l'alliance. Il dit, regardez bien ce qui s'est passé au temps de Moïse. Voilà pourquoi, verset 18, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les lois, les commandements, prit du sang de veau et de bouc, avec de l'eau, avec de la laine écarlate, avec de l'hysope, c'est une espèce de petite plante, et il fit l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple. Il a fait l'aspersion sur le temple, sur les ustensiles, sur l'autel, il a fait l'aspergé tout cela. Et les animaux étant morts, et qu'il a lui-même a pris le sang, puis il a aspergé tout, le peuple, le temple, le tabernacle, les ustensiles et tout cela, il symbolisait ainsi, l'alliance est maintenant inaugurée. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Et c'est ainsi qu'il dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sauf que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le sacrifice dans la Sainte Alliance, qu'on n'a pas répandu le sang, qu'on n'a pas offert le sang sur l'autel, qu'on n'a pas aspergé le sang partout, il n'y en avait pas d'expiation de péché possible. Donc, même dans la Sainte Alliance, tant qu'on rentrait pas dans le lieu très saint avec le sang et avec l'hysope et qu'on n'aspergeait pas le propitiatoire avec le sang des boucs et des veaux, il n'y avait pas de pardon possible. Même dans l'ancienne alliance, la mort des testateurs ou des signataires de l'alliance devait être faite symboliquement. Deux personnes qui faisaient une alliance devaient tuer des animaux qui représentaient eux-mêmes, et ils devaient dire que je marche si je ne respecte pas cette alliance-là, cet engagement-là. Et dans la nouvelle alliance, le sang est répandu aussi pour signer l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais l'alliance, le sang qui est répandu ici, ce n'est pas le sang d'un animal, mais le sang de Jésus-Christ. Nous allons y revenir demain ou la prochaine fois, et on va pouvoir comprendre encore plus cela. Notre Père du ciel, merci de cette nouvelle alliance que Jésus a signée de son sang, afin que nous puissions hériter des promesses faites, afin d'avoir une garantie certaine, sûre, sans équivoque, que nos péchés sont pardonnés pour toujours. Dieu nous a dit, repentez-vous, croyez en mon Fils, et je vais pardonner vos péchés, je vais vous donner le Saint-Esprit, et vous allez avoir la vie éternelle. Et le sang a été répandu pour sceller cet engagement de la part de Dieu, et notre engagement à nous, de l'adorer, de le servir et de le louer pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.